Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie française. Six touristes français ont décidé de découvrir l'Afrique du Sud au cours d'un safari organisé par Richard Dacier. Ils ignorent alors que leur guide n'a pas mis les pieds dans la brousse depuis 30 ans et qu'il a peur des animaux. Vous partez pour un safari inoubliable en Afrique. Pas de problème, mais attention, n'oubliez jamais qu'ici le pire danger, c'est lui. Hakuna Matata, bienvenue en Afrique. Je vous attends pour la plus grande des expériences, un safari. Hakuna Matata à vous. Vous êtes tout blanc. Regardez là-bas, il y a des zèbres. On peut s'arrêter pour les prendre en photo? Non, non, trop dangereux, ils sont en troupeau. Ils sont que deux. Eh ben un troupeau, ça commence à deux. Bon, fais une halte, Benoît va faire caca. Pourquoi vous dites ça? Bah pour les prévenir. C'est quoi? Du crocodile? Je me demande si c'est pas de la hyène. Je sais, c'est quoi? C'est des knakiyarta. Allez Dumbo, casse-toi, dégage! Dites-moi, Dacier, ça va être tous les jours sur Zavata ou il y aura des pauses? Kanu Kalama! Ah, ça veut dire les mains en l'air. Kanu Kalama! Pourquoi vous leur demandez de mettre les mains en l'air? Ah bon? Bah non, pas de pause. Pas pris un chemin normal, j'y arriverai pas. Laissez-moi, continuez sans moi. D'accord. Vous allez en prendre plein la tête. Safari, une comédie d'Olivier Barou avec Kad Merad et toute une joyeuse équipe. Un DVD, Fox Pathé Repas.